Chapitre 27e. Miss Thorne fait une visite. En quittant le docteur, Lady Arabella était décidée à lui faire une guerre à outrance, quoi qu'il pût lui en coûter. Il l'avait insultée, du moins elle le disait, et elle se préparait à le dire à d'autres. Un médecin de village n'aurait pas insulté impunément une de Courcy. Elle ferait comprendre à son mari, avec toute la dignité dont elle était capable, qu'il était de son devoir de rompre entièrement avec un homme qui s'était conduit de la sorte envers elle. Quant à ses enfants, elle userait de toute l'autorité d'une mère et leur interdirait toute communication avec Mary. Cette résolution prise, elle retourna promptement au manoir. Lorsqu'il se retrouva seul, le docteur ne se sentit pas complètement satisfait de son rôle dans cette discussion. Il avait parlé plutôt par impulsion que guidé par son jugement, et comme cela arrive toujours en pareil cas, il était forcé de s'avouer qu'il avait été imprudent. Il est possible qu'il se fît plus de reproches qu'il n'en méritait, mais il n'en était pas moins irrité contre Lady Arabella. Elle avait été cruelle, arrogante, déraisonnable, se disait-il, mais cela ne le justifiait pas d'avoir oublié les égards que tout homme bien élevé doit à une femme. D'ailleurs, Mary devait beaucoup à ses bontés, et il sentait qu'il aurait dû se montrer plus généreux. Tout en faisant ses réflexions, il se promenait dans son cabinet, tantôt se blâmant de son animosité contre Lady Arabella, tantôt l'entretenant par la récapitulation de tout ce qu'elle lui avait dit. Il n'arriva qu'à une conclusion, à savoir qu'il valait mieux ne pas faire part à Mary de la visite de Lady Arabella. L'avenir réservait assez de chagrin à son enfant chéri, sans qu'il vînt encore les aggraver. Selon toute probabilité, Lady Arabella ne s'en tiendrait pas là. Mieux valait attendre la suite. De retour au manoir, Lady Arabella fit dire à Béatrice de venir lui parler immédiatement et donna en même temps l'ordre domestique de l'avertir dès que le squire serait dans son cabinet. « Béatrice, dit-elle aussitôt que sa fille fut entrée et en prenant son grand air d'autorité, « je suis fâchée d'avoir à vous dire des choses qui vous seront très pénibles, mais je me vois forcée de vous prier de cesser à l'avenir toute relation avec la famille du docteur Thorne. » Béatrice, qui avait reçu le message de Lady Arabella en rentrant de la promenade, et qui s'était empressée d'accourir, croyant qu'il était de toute nécessité de se hâter, se tenait debout, son chapeau à la main, et tout essoufflé devant sa mère. « Oh, maman, qu'est-il donc arrivé ?»« Je ne puis vous l'expliquer, ma chère, mais j'attends de vous la promesse formelle que vous vous conformerez à mes désirs. » »« Vous ne voulez cependant pas dire que je ne doive plus revoir Mary. » « Pardonnez-moi, ma fille, tel est mon désir, du moins pour le moment, et je suis sûr que vous ne vous y refuserez pas quand vous saurez que l'intérêt de votre frère l'exige. » Béatrice ne refusa pas, mais elle ne parut nullement disposée à obéir. Elle restait debout, appuyée sur le bras du sofa, et roulait entre ses doigts les rubans de son chapeau. « Eh bien, Béatrice ?»« Mais maman, je ne vous comprends pas. » Lady Arabella venait de dire à sa fille qu'elle ne pouvait pas lui expliquer ce qui s'était passé, mais elle s'aperçut qu'il fallait bien en venir là. « Le docteur Thorne m'a déclaré franchement qu'un mariage entre le pauvre Frank et sa nièce était ce qu'il désirait le plus au monde. Après une pareille audace, votre père lui-même comprendra la nécessité de rompre avec lui. Le docteur Thorne, oh maman, vous ne l'avez pas bien compris. Je n'ai pas pour habitude de ne pas comprendre les gens. » « Surtout quand on parle aussi sérieusement que je viens de le faire avec le docteur Thorne. Mais maman, je connais si bien la façon de penser de Marie elle-même à cet égard. Et moi, je sais aussi ce que le docteur Thorne en pense. Quoi qu'il en soit, il a été franc, je dois l'avouer, et je ne puis douter de sa véracité. D'ailleurs, il est facile de comprendre qu'un semblable mariage lui ferait le plus grand plaisir. Maman, je suis convaincu qu'il y a quelques malentendus là-dessous. Très bien, ma fille. » Je sais que vous êtes entichée de ces gens-là et de plus que vous aimez assez à me contredire, mais rappelez-vous que je m'attends à être obéie. Mais maman, je m'attends à être obéie, je le répète, Béatrice. Quoique vous soyez très disposée à me contredire, vous ne m'avez encore jamais désobéie, et je suppose que vous ne commencerez pas. » Lady Arabella avait d'abord exigé, ou plutôt essayé d'exiger une promesse, mais voyant qu'elle ne l'obtiendrait pas, elle jugea plus prudent de ne pas insister. Sur ces entrefaites, un domestique vint l'avertir que le squire était dans sa chambre, ce qui lui épargna, fort à propos, la peine de continuer la discussion avec sa fille. « Je vais causer de tout cela avec votre père, lui dit-elle. « Et vous pouvez bien être sûre, Béatrice, qu'il n'y a qu'un motif bien grave qui puisse me porter à entamer une discussion avec lui au sujet du docteur Thorne. » Béatrice en était convaincue, et elle comprit que quelque chose de très sérieux avait dû se passer. Le squire écouta très patiemment, et avec une certaine déférence, le récit des griefs de Lady Arabella. Elle crut devoir entrer avec lui dans beaucoup plus de détails qu'elle ne l'avait fait avec sa fille, et elle insista particulièrement sur l'insulte personnelle dont elle avait à se plaindre. « D'après cela, » dit-elle d'un ton où perçait une nuance de triomphe, « je pense, Monsieur Gresham, que... »« Que quoi, ma chère ?»« Que vous aurez au moins la bonté d'empêcher qu'un pari affront se renouvelle. » Vous ne craignez pas, je suppose, que le docteur Thorne vienne vous relancer chez vous. Il ne vient ici que lorsque vous l'envoyez chercher. Non, et je pense bien qu'il ne reviendra jamais. J'ai mis ordre à cela. Alors, ma chère, que désirez-vous que je fasse ? Lady Arabella réfléchit un instant avant de répondre. Il y avait quelque chose de difficile dans ce qu'elle avait entrepris. Elle savait, ou croyait savoir, que dans le secret de son cœur, son mari préférait son amie à sa femme, et qu'il ferait semblant, autant que possible, de ne pas voir les torts du docteur. Il s'agissait donc de placer ses torts sous un jour qui l'obligea à les reconnaître. « Je suppose, Monsieur Gresham, que vous ne désirez pas que Frank épouse Mary Thorne. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre danger à cet égard, et je suis convaincu que le docteur Thorne ne ferait rien pour encourager ce mariage. Mais quand je vous dis qu'il avoue lui-même son intention de l'encourager, vous l'avez mal compris. Sans doute, je ne comprends rien. Je m'étais aussi trompé lorsque je vous ai dit de ne pas prendre cette vilaine meute. J'ai eu des charges plus fortes que l'entretien de la meute, dit le pauvre squire en soupirant. Je sais ce que vous voulez dire, une femme et des enfants, mais il est trop tard pour s'en plaindre. Ma chère amie, il est toujours trop tard pour se plaindre d'un malheur qu'on ne peut plus éviter. Nous ne reparlerons plus de la meute pour le moment. Je ne désire pas en parler, monsieur Gresham. Ni moi non plus. Mais vous trouverez au moins naturel que je désire savoir ce que vous comptez faire à l'égard du docteur. Ce que je compte faire. Oui, je suppose que vous prendrez un parti quelconque. Vous ne voudriez pas que votre fille épousât une fille comme Mary Thorne. Pour ce qui la concerne personnellement, dit le squire en s'animant, je ne crois pas qu'il pût trouver mieux. Je ne vois rien à reprocher à Mary. Mais je conviens que Frank ne peut songer à un pareil mariage. Ce serait sa ruine. Certainement, sa ruine complète. Jamais il ne s'en relèverait, et c'est pour cela que je vous demande ce que vous comptez faire. Le squire était vraiment embarrassé. Il ne voyait aucune urgence de prendre un parti quelconque, et de plus, il n'ajoutait nullement foi aux accusations que sa femme portait contre le docteur. Mais il ne savait quelle excuse alléguer pour les écarter. Elle lui adressait sans cesse la même question, et revenait avec tant d'insistance sur l'insulte qu'elle avait reçue, qu'il lui demanda enfin ce qu'elle désirait qu'il fît. « Puisque vous me le demandez, monsieur Gresham, je vous avouerai que je trouve que devriez cesser toute relation avec le docteur. »« Quoi ? Rompre avec lui ? Oui. »« Que voulez-vous dire ? Vous l'avez mis à la porte et vous voulez encore que je n'aille pas le voir chez lui ? Oui. Vous devriez discontinuer tout à fait vos visites au docteur Thorne. »« Mais c'est absurde, ma chère, véritablement absurde. »« Non, monsieur Gresham, ce n'est pas absurde. » Et puisque vous le prenez sur ce ton, je vais vous dire sans détour ce que je pense. Je remplis autant que possible mon devoir envers mon fils. Vous venez vous-même de dire qu'un pareil mariage causerait la ruine de Frank. Lors donc que je me suis aperçu que les jeunes gens en étaient venus à échanger des promesses de mariage, j'ai vu qu'il était temps d'y mettre ordre. Je ne les ai cependant pas mis à la porte, comme vous voulez bien le dire. Je m'y suis prise de la manière la plus bienveillante et... « très bien, je sais tout cela. Mais maintenant qu'ils sont partis, en voilà bien assez. Je ne me plains pas et cela devrait vous suffire. »« Me suffire ? Non, certes, monsieur Gresham. Quand je découvre qu'en dépit de ce qui s'est passé, la plus grande intimité règne entre les deux familles, quand je vois que l'on abuse de la jeunesse et de l'inexpérience de Béatrice, quand je parle au docteur dans l'espoir qu'il secondera mes efforts pour prévenir un malheur, non seulement il me répond qu'il encouragera les projets de Mary, mais il m'insulte en face, me nargue parce que je suis la fille d'un comte et pousse l'audace jusqu'à me dire de sortir de chez lui. » Disons-le à la honte du squire, son premier sentiment en écoutant Lady Arabella fut un sentiment d'envie et de regret de ne pouvoir en faire autant que le docteur. Non que ce mari résigné eût positivement désiré mettre sa femme à la porte de chez lui, mais il eût été enchanté de pouvoir la prier de sortir de sa chambre. Comme la chose était impossible, il se vit forcé de lui répondre. « Vous ne l'avez pas compris, ma chère amie. Il ne pouvait avoir l'intention de vous dire cela. »« Oh, certainement, monsieur Gresham, c'est une erreur. C'est une erreur du commencement à la fin. Ce ne sera encore qu'une erreur quand vous découvrirez que votre fils est marié avec Mary Thorne. » Dans tous les cas, il m'est impossible de rompre avec le docteur. Le squire disait vrai. Il ne lui eût guère été possible de cesser toute relation avec son ami, alors même qu'il l'eût désiré. Alors je vous avertis que moi, je romprai avec lui. Je n'avais pas fait grand fond sur votre concours dans cette affaire, monsieur Gresham, mais je croyais que vous auriez au moins témoigné quelque mécontentement en apprenant de quelle manière j'ai été traité. À l'avenir, je saurai me faire respecter et protéger Frank contre ces intrigants. » En disant ces mots, Lady Arabella se retira non sans avoir réussi à troubler la paix de tous nos amis de Greshamsbury. Le squire avait bien dit qu'il ne pouvait pas rompre avec le docteur, mais il ne voulait pas non plus que son fils épousât Mary Thorne, et de même que l'eau mine à la longue la pierre sur laquelle elle tombe, de même, à force de répéter la même chose, Lady Arabella avait fait naître un soupçon dans l'esprit de son mari. Quant à Béatrice, quoiqu'elle n'eût rien promis, elle n'était nullement disposée à entrer en lutte ouverte avec sa mère. Le docteur Thorne, n'ayant rien dit à sa nièce, celle-ci n'aurait pas manqué d'être surprise si, passant sur elle, ne lui eût appris ce qui s'était passé à Greshamsbury. Après mûre délibération, Patience et Béatrice étaient convenus qu'il valait mieux faire connaître à Mary les ordres de Lady Arabella. De cette manière, Patience se vit appelée à se promener un jour avec Béatrice et le lendemain avec Mary, et c'est ainsi que les choses allèrent pendant quelque temps à Greshamsbury, peu agréablement, il faut en convenir. Les mois de mai et de juin se passèrent de la même manière. Béatrice et Mary se voyaient quelquefois au presbytère ou dans d'autres maisons, mais plus de conversations intimes entre les deux amis. Le nom même de Frank était exclu de leurs entretiens. Quant au squire et au docteur, ils n'avaient malheureusement que trop sujet de se voir souvent. Quoique Louis-Philippe, ou Sir Louis ainsi que nous devons l'appeler, n'eût pas la direction de ses biens, il savait parfaitement à quoi s'en tenir sur ses futurs privilèges de propriétaire, et il indiquait constamment au docteur Thorne la manière la plus avantageuse, selon lui, de servir ses intérêts. Le jeune baronnet n'avait que des idées très erronées sur la délicatesse, car il n'hésitait pas à dire au docteur que son amitié pour le squire ne devait porter en rien préjudice à ses intérêts à lui. Sir Louis avait aussi un homme d'affaires qui donnait à entendre au docteur Thorne que la somme prêtée sur la propriété de M. Gresham était trop considérable pour qu'on en restât là. Il fallait, disait-il, que le squire livrât les titres de sa propriété ou que, par ce qu'on appelle un jugement de forclusion, on lui enleva le droit d'éteindre l'hypothèque. Tout cela ajoutait à la tristesse qui semblait envelopper le village de Greshamsbury tout entier. Frank devait revenir dans les premiers jours de juillet. Il faut convenir que les allées et venues du jeune homme troublaient fort désagréablement la vie de la plupart de ses amis. Et cependant, peut-on dire que ce fut sa faute? Pendant les vacances de Noël, Miss Auriel s'était soumise à l'exil, afin d'éloigner Mary du jeune héritier, et il devenait encore nécessaire de prendre un parti analogue pour les vacances d'été. Qu'on ne suppose pas qu'aucun conseil à cet effet eût été donné à Mary ou à son oncle. Ils en avaient eu l'idée eux-mêmes. Il n'en avait parlé qu'à Patience, qui n'avait pas manqué d'en parler à son tour à Béatrice. Celle-ci s'était empressée d'en faire part à sa mère, dans l'espoir de la convaincre de l'innocence de Marie. Mais les dragons femelles, comme Lady Arabella, ne sont pas si facilement convaincus de l'innocence des autres. Elle admit que Marie se conformait aux bienséances en s'éloignant pour laisser la place libre au pauvre Frank, mais elle ne demanda pas même où elle allait. Cela ne l'empêcha cependant pas de parler des intrigues des Thorne, et l'absence de Mary sembla l'encourager même à en parler davantage. Le domaine de Vauxhall Hill, y compris la maison et l'ameublement, avait été laissé à Sir Louis, qui pouvait y résider, quoiqu'il dût n'en avoir la pleine jouissance que plus tard. Lady Scatcherd se voyait donc obligée de chercher une autre maison, à moins qu'elle ne préférât, avec la permission de son fils, rester à Vauxhall Hill. Le docteur se chargea de les mettre d'accord. Sir Louis ne demandait pas mieux que d'avoir une maison de campagne à sa disposition, mais il ne voulait pas en faire la dépense. Il voulait bien que sa mère y restât, mais non pas pour rien. Tout fut réglé à l'amiable, et quelques semaines après la mort de son mari, Lady Scatcherd se trouva seule à Boxall Hill. Seule sous le rapport de la société dans l'acception ordinaire de ce mot, mais non complètement seule, car la fidèle Anna était toujours avec elle. Le docteur venait souvent la voir, et chaque fois elle le prit instamment de lui amener sa nièce. La société de Lady Scatcherd n'était pas précisément celle que le docteur eût recherchée pour Mary. Et quoique celle-ci eût souvent prié son oncle de la mener à Boxall Hill, il avait eu ses raisons pour ne pas y consentir. Mais Lady Scatcherd avait une si entière confiance en lui, elle était si naturellement bonne, si simple, si exempte de vanité, qu'elle finit par gagner complètement le cœur du docteur Thorne, et lorsque, d'accord avec Mary, il jugea qu'il valait mieux que celle-ci s'absentât pendant quelque temps de Greshamsbury, il fut convenu, après mûre réflexion, qu'elle irait à Boxall Hill. Elle y fut reçue comme une princesse, accoutumée depuis son enfance à la société des femmes d'un rang élevé. Elle n'était nullement intimidée en présence des personnes titrées, mais elle s'était préparée à avoir pour Lady Scatcherd les plus grands égards, d'autant plus qu'elle était veuve et affligée, que sa naissance était obscure et que c'était une femme dont son oncle parlait avec affection. Mais lorsqu'elle fut installée à Boxall Hill, elle s'aperçut que cela lui serait presque impossible. Lady Scatcherd la traitait comme eût pu le faire la femme d'un fermier à laquelle on aurait envoyé, pendant quelques semaines, une jeune duchesse convalescente pour lui faire respirer l'air de la campagne. Elle avait toutes les peines du monde à se décider à s'asseoir et à dîner tranquillement à table avec Mary. Rien n'était assez bon pour la jeune fille. Lady Scatcherd la suppliait presque avec larmes de lui dire ce qu'elle désirait manger, et elle était désespérée lorsque Mary lui répondait qu'il n'avait aucune préférence. « Un poulet rôti, Miss Thorne ?»« C'est excellent, Lady Scatcherd. »« Et de la sauce au pain ?»« De la sauce au pain, oui, je l'aime beaucoup, » disait la pauvre Mary. « Et nous ajouterons quelques saucisses. Nous les faisons dans la maison, et nous savons à quoi nous en tenir. » Et les pommes de terre en purée, les aimez-vous mieux que cuites au four ? Mary, se voyant forcée de choisir, votait pour les pommes de terre en purée. Mais, Miss Thorne, si vous préfériez un poulet bouilli avec un peu de jambon, j'espère que vous me le diriez. Puis nous avons de l'agneau qui est délicieux. Choisissez donc, chère Miss Thorne. Obligée de répondre quelque chose, Mary se décidait pour le poulet rôti, mais il sentait qu'il lui serait difficile de témoigner beaucoup de respect à une personne qui lui en témoignait tant de son côté. Deux ou trois jours après son arrivée, il fut convenu qu'elle se promènerait à Anne dans le parc. Elle était habituée à monter à cheval, son oncle ayant toujours eu soin d'accoutumer un de ses chevaux à se laisser monter par une dame. Comme il n'y avait pas à Boxall Hill de cheval de selle sur lequel une femme pût se hasarder, Lady Scatcherd avait offert de lui procurer un poney. Mais Mary avait tranché la difficulté en déclarant qu'elle serait ravie de se promener à Anne. Là-dessus, et à la grande confusion de la jeune fille, Lady Scatcherd d'elle-même s'était mise en quête de la monture désirée. Elle ne revint qu'après avoir fait son emplette, suivie de l'animal qu'elle tenait presque par le licou, et elle resta à la porte du vestibule jusqu'à ce que Mary vint lui donner son approbation. « J'espère que cette ânesse vous conviendra, je ne crois pas qu'elle rue. » dit Lady Scatcherd en caressant ses longues oreilles d'un air triomphant. « Vous êtes mille fois trop bonne, Lady Scatcherd. Je suis sûr qu'elle ira parfaitement. Elle a l'air bien tranquille. »« C'est un âne, madame, ne vous déplaise, » dit le jeune garçon qui tenait l'animal par la bride. « Ah, c'est un âne, » dit Lady Scatcherd. « Mais les ânes sont aussi paisibles que les ânesses, n'est-ce pas ?»« Beaucoup plus paisibles, madame, et deux fois plus utiles. »« Je suis bien aise, Miss Thorne. » dit Lady Scatcherd, dont les yeux brillaient de plaisir. Mary se vit donc en possession d'un âne qui remplit toutes les conditions qu'on pouvait exiger d'un pareil coursier. « Mais ma bonne Lady Scatcherd, » dit Mary le même soir, tandis qu'elles étaient assises à la fenêtre du salon, « il ne faut pas continuer à m'appeler Miss Thorne, on me nomme Mary, vous le savez, » dit-elle en se glissant amicalement à ses pieds et en lui prenant la main. Lady Scatcherd rougit, comme si elle eût été honteuse. « Vous avez tant de bonté pour moi, » continua Mary, « et cela paraît si froid de vous entendre m'appeler Miss Thorne. »« Je vous appellerai n'importe comment pour vous faire plaisir, Miss Thorne. Seulement, je ne sais pas si cela vous conviendrait. Mary est selon moi le plus joli nom du monde. Mon pauvre Roger le préfère à tous les autres. J'ai souvent désiré m'appeler Mary. Vraiment? Pourquoi aimait-il ce nom? Il avait une sœur qui se nommait Mary. Quelle belle créature! Je me surprends quelquefois à trouver que vous lui ressemblez. Dans ce cas, elle devait être bien belle, en effet, dit Mary en souriant. Elle était excessivement belle. Je me la rappelle très bien. C'était une pauvre fille, tout comme moi, dans ce temps-là. N'est-ce pas drôle de m'entendre appeler Milady? Savez-vous, Miss Thorn? Mary, Mary! Interrompit la jeune fille. Ah, c'est vrai. Mais c'est une liberté que je n'ose guère prendre. Comme je vous le disais, je ne puis souffrir de m'entendre appeler Milady. Je crois toujours qu'on veut se moquer, et en effet, on se moque de moi. Quelle idée! C'est comme je vous le dis. Mon pauvre Roger ne m'appelait Milady que pour se moquer de moi. De lui, cela m'était égal. Mais Miss Thorn. Mary, Mary, Mary! Ah, c'est vrai, cela viendra avec le temps. Mais Miss. Mary. Bah, n'importe. Mais voici ce que je voulais dire. Croyez-vous que je puisse mettre ce titre de côté? Anna me dit que si je m'y prends bien, rien n'est plus facile. Mais, Lady Scatcherd, vous ne devriez pas même y songer. Vraiment? Non. Vous devriez au contraire en être fière en mémoire de votre mari. Vous savez qu'il a mérité de grands honneurs. Eh bien, dit Lady Scatcherd en soupirant, je m'y soumettrai si vous pensez que cela vaille mieux pour lui. D'ailleurs, Louis serait furieux si j'en parlais. Mais ma chère Miss Thorn, une femme simple comme moi n'aime pas servir de jouet aux autres pendant toute sa vie. Dites-moi, chère Lady Scatcherd, reprit Mary, après que la question du titre eut été réglée entre elles, et que Miss Thorn eut fait comprendre à la veuve de Sir Roger qu'il était de son devoir de supporter son fardeau nobiliaire jusqu'à la fin de ses jours. Dites-moi, chère Lady Scatcherd, vous parlez de la sœur de Sir Roger. Qu'est-elle devenue? Oh, elle a fini par faire son chemin, tout comme son frère, mais dans les commencements, elle a eu de grands malheurs. À l'époque de mon mariage avec mon pauvre Roger, et au moment où Lady Scatcherd se disposait à raconter ce qu'elle savait de l'histoire de Mary Scatcherd, elle se souvint que l'auteur de tous les malheurs de sa pauvre belle-sœur portait le nom de Thorn et qu'il était le frère du docteur. Il devait donc être parent de la jeune fille. À cette pensée, elle se tut soudain. « Eh bien, dit Mary, à l'époque de votre mariage. » La pauvre Lady Scatcherd avait si peu l'usage du monde qu'elle ne savait ni éluder la question ni dissimuler son embarras. Elle avait fort peu connu la famille des Thorn dans sa jeunesse et, à l'exception du docteur, elle s'en était peu occupée depuis. Mais dans ce moment, elle se rappela, pour la première fois, qu'il n'y avait eu que deux frères dans la famille. Qui donc pouvait être le père de Mary? Elle comprit tout de suite qu'il serait inconvenant de parler des fautes de Henry Thorn et par conséquent des malheurs de Mary Scatcherd. Mais il lui fut impossible de s'arrêter sans montrer de l'émotion. « Vous dites qu'elle a été très malheureuse, Lady Scatcherd ?»« Oui, Miss Thorn. Mary, je veux dire. N'importe. J'y arriverai avec le temps. »« Oui, elle a été bien malheureuse. Mais maintenant que j'y pense, je ferai mieux de n'en pas parler. »« J'aurais même mieux fait de n'en rien dire. Vous n'êtes pas fâchée contre moi, n'est-ce pas ?» Mary la rassura à cet égard et ne lui fit plus de questions au sujet de Mary Scatcherd. Elle n'y pensa même bientôt plus. Il n'en fut pas ainsi de Lady Scatcherd, qui ne pouvait s'empêcher de se rappeler que le vieux ministre de Barchester n'avait jamais eu que deux fils. Qui donc était le père de Mary? Les jours se passaient paisiblement à Boxall Hill. Mary faisait tous les matins une promenade sur son âne, qui justifiait en tout point l'éloge qu'on en avait fait, puis elle dessinait ou faisait une lecture. Elle allait ensuite se promener avec Lady Scatcherd et sortait encore après le dîner. Une fois ou deux par semaine, le docteur venait prendre le thé à Boxall Hill et s'en retournait à la fraîcheur du soir. Mary reçut aussi la visite de son amie Patience Auriel. Cette tranquillité fut tout à coup troublée par un message qui arriva de Londres. Sir Louis écrivait en peu de mots à sa mère qu'il lui ferait l'honneur de venir à Boxall Hill dès le lendemain. Il avait compté, disait-il, aller à Brighton avec quelques amis, mais comme il était un peu souffrant, il préférait passer quelques jours avec sa mère. Cette nouvelle fut loin d'être agréable à Mary, qui avait compris, ainsi que son oncle, que Lady Scatcherd serait seule à Boxall Hill. Cependant, elle dut se contenter d'en informer le docteur et se préparer à recevoir Sir Louis.